Stéphane Laroche. Everything's electric. Bienvenue dans le monde plus beau, dans le monde nouveau, celui de Galaxy Radio, le meilleur de la scène électronique. C'est à toute heure du jour ou de la nuit. On se retrouve très prochainement, ah oui, une nouvelle fois sur le 9530. Très prochainement et pas plus tard que tout de suite, forcément, Willy s'en est allé, on le retrouve avec beaucoup de plaisir. Ce sera demain, à bon entendeur, salut pour tous les leftos, comme dirait l'autre. Tout baigne, relaxez-vous, détendez-vous, Galaxy est là, avec un maximum d'informations de proximité. Nous parlerons de vos stars favorites, nous parlerons également de l'actualité des clubs, j'en passais des meilleurs, et puis surtout, nous avons bon nombre de nouveautés à vous faire découvrir, exclusivement électronique, avec Youssef et Carl Cox, avec I Want You, avec également, vous le savez, très régulièrement, des doublés rétro-zones, deux fois dans l'heure. À bon entendeur, salut, place à Youssef, Carl Cox, je vous le rappelle, I Want You, c'est l'une des révélations de ces dernières semaines. Radio Galaxy. Galaxy. New. Happy Days on Galaxy. Rétrozone sur Galaxy. Bobby Rivera sur Galaxy avec Float Away sur la fréquence 9530, direction l'information de proximité avec la 6e édition du festival Libre Regard, programmée du 14 au 19 janvier prochain. Ce sera au Colisée Lumière de Marc-en-Barœul. Le thème retenu cette année, c'est l'amour, avec au programme des classiques tels que West Side Story, Paris, Texas, Gilda et bien d'autres. Programmation complète disponible au 03 20 45 45 46 ou sur marc-en-barœul.org. De nouveaux rendez-vous du Centre Européen Humour à la Maison Folie, l'espace d'Avray de Tourcoing. Même en kilt, La vie vous assassine de Michel Brancard, programmé les vendredis 18, samedi 19 et dimanche 20 janvier. Ou encore Quand les paysages, a signé Cartier Bresson par la compagnie des Docks. Ce sera le samedi 2 février à 20h30. Réservation 03 20 26 72 78 pour en savoir plus. Allez surfer sur eurohumour.com. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com.

Carl Kennedy, Ride a Storm sur la fréquence 95-30. Nous souhaitons la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Quelques indiscrétions. On apprend par exemple que le Théâtre P, en effet, samedi dernier, France 2 aurait battu TF1. Quelques 33% de parts de marché. Ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Grâce à la pièce diffusée en direct, baptisée Fugueuse. Et puis, c'est cher payé. Selon le New York Times, le célébrissime tabloïd OK aurait payé quelques 1 million de dollars pour une interview de la sœur de Britney Spears, enceinte, vous le savez peut-être, à l'âge de 16 ans. La suite tout en musique sur Galaxy, c'est ceci, c'est Sarah Berg avec Demons. Belle journée à tous. Sitting with a grin I can't match, waiting to come ruin. Galaxy. Save the rhythm. Save the rhythm. Galaxy. Rétrozone sur Galaxy. Mm-hmm. American Native, Dance to Trends dans la Retro Zone. Galaxy. Don't stop music. Dans l'heure qui vient, dans l'heure qui suit, il y aura des passes à décrocher pour les meilleurs endroits pour le week-end, vendredi, samedi ou dimanche. Restez calés 9530, ne vous éloignez pas trop pour l'heure. Il y a le dernier en date de Delmo 5, le retour avec The Rising, disponibilité sous le label Rebrand Record. Nous vous souhaitons une très agréable journée et bien évidemment, parce qu'il n'est pas trop tard, au contraire, une bonne et heureuse année 2008. Tous nos voeux vous accompagnent. Thank you. S'il vous plaît. Tendez vos oreilles. Bienvenue. À des milliers d'années-lumière de notre galaxie. Cet homme est un tueur à gages. Il sera animateur radio. Salut tout le monde. Je sais dire ok, yeah, cool, nope, fuck you, bastard. Aujourd'hui, il y a Stéphane. Stéphane Laroche. Oui, c'est bon. J'adore. Oh, c'est génial. Bienvenue, chers amis. Merci de l'avoir été. Merci de l'avoir été. Merci de l'avoir été. Merci de l'avoir été. Merci de l'avoir été. Oh, bienvenue à bord de Galaxy, la radio de tous les numéros 1 avec à l'instant, tiens, par exemple, et pour la petite histoire, quelque chose que vous connaissez bien, le fameux Untitled signé Jürgen Zun. C'est un extrait de Serious Beat, volume 56. Nous vous souhaitons un bon début d'année, une bien belle journée sur la fréquence 95.3. Souvenez-vous, bon nombre de clubs ont invité à l'occasion du 31 décembre. C'était l'an dernier, l'occasion du passage. Eh bien, on réitère cette opération avec les soirées de vendredi, samedi ou dimanche. Selon les endroits, des passes valables pour le Bliss, la Bûche, l'Escape Concept, l'âge de Zoo, le Pulse Factory, le Technic Factory ou encore le Zoo Club. Détails de toutes ces soirées, galaxyfm.com, rubrique Info Soirée Galaxy, et sur le 03 20 83 57 57, il y a pour vous des passes à décrocher. Bonne chance. Radio Galaxy. Galaxy, Galaxy. New. Galaxy. Rétrozone sur Galaxy. Everybody's got to learn. Cette zone avec Everybody's Got to Learn Sometime signé Montez, c'était au tout début des années 90. Dans quelques minutes, toute l'info près de chez vous avec l'agenda Galaxy, mais pour l'heure, direction les nouveautés, et non des moindres avec Lys en trois lettres, L, Y, S et Wasted, et c'est à découvrir now on Galaxy. Radio Galaxy, new. You can walk on water, but you can't swim. jamais plus d'une minute sans musique, c'est la demi de l'heure. Direction l'information de proximité avec par exemple l'association Convergence qui vous invite à venir fêter Yinaïr, l'an 2958. En fait, c'est le nouvel an berbère, ce sera ce dimanche 13 janvier. Ça doit être de Roubaix, une belle soirée festive donc avec en invité entre autres Akli, Yayaten ou encore les fameux ballets berbères waterloosiens. Renseignements auprès de l'office de tourisme 03 20 75 85 86. Une conférence du club ensemble sur Chagall, programmée lundi 14 janvier 14h30. Ce sera la maison de l'éducation permanente située rue Jean Castel, à côté parc du Lion ou Waterloo. Pour en savoir plus, 03 20 75 14 97. Et puis, exposition de peinture baptisée Scènes en Flandre par Thérèse Sénavedu. Ce sera du 15 janvier au 24 février prochain. C'est au musée des arts et traditions populaires situé rue François Mériot ou Waterloo. Entrée libre, horaire d'ouverture 03 20 81 59 50. Encore plus d'infos sur www.galaxy.com. Galaxy Music and News. dépend. Avec Stéphane, écoute. Stéphane. Galaxy. Galaxy. Galaxy. New. Thank you. bienvenue dans le monde plus beau, celui des news sur Galaxy. Avec Benny Button, le dernier en date de John Delbach sur la fréquence 95.3. Si vous n'arrivez pas à le capter de façon traditionnelle, nos sous-sailles, le web est à votre secours. Eh oui, une seule adresse, live.galaxyfm.com. Vous cliquez et c'est parti. Nos sous-sailles. Cinéma, les news, grève des paillettes. On apprend que les Golden Globes, prévus ce dimanche à Hollywood, sont peut-être compromis. En soutien aux scénaristes en grève, les acteurs ont décidé aussi de boycotter cette manifestation qui sert en fait de répétition aux Oscars. Et puis, des nouvelles de Sean Penn, président, l'acteur et cinéaste américain, dont le prochain film Into the Wild sort sur les grands écrans, présidera le jury du prochain Festival de Cannes. Galaxy. Galaxy. Galaxy. It's time for House. Allez, encore un hit en puissance. Everybody Freakin', c'est signé de Lisa House en Galaxy. Belle journée à tous. Merci de votre grande fidélité. happy days on Galaxy. Retrozone sur Galaxy. Go time. Time, time, a go-go time. Time, time, a go-go time. Go. time, a go go time. Go go time.